Chanter. J'aimerais savoir chanter. Musique. J'aimerais connaître la musique. Cuisiner. J'aimerais savoir cuisiner. Des recettes. J'aimerais connaître des recettes. Naviguer. J'aimerais savoir naviguer. Les îles grecques. J'aimerais connaître les îles grecques.